Albin. Comme est-il mort? En brutal, en impie, en bravant les tourments, en dédaignant la vie, sans regret, sans murmure et sans étonnement, dans l'obstination et l'endurcissement, comme un chrétien, enfin, le blasphème à la bouche. Et l'autre? Je l'ai dit déjà, rien ne le touche. Loin d'en être abattu, son cœur en est plus haut. On l'a violenté pour quitter l'échafaud. Il est dans la prison où je l'ai vu conduire, mais vous êtes bien loin encore de le réduire. Que je suis malheureux. Tout le monde vous plaint. On ne sait pas les maux dont mon cœur est atteint. De pensée sur pensée, mon âme est agitée. De souci sur souci, elle est inquiétée. Je sens l'amour, la haine et la crainte et l'espoir, la joie et la douleur. Tour à tour l'émouvoir, j'entends des sentiments qui ne sont pas croyables. J'en ai de violents, j'en ai de pitoyables, j'en ai de généreux qui n'oseraient agir. J'en ai même de bas et qui me font rougir. J'aime ce malheureux que j'ai choisi pour gendre. Je hais l'aveugle erreur qui le vient de surprendre. Je déplore sa perte et, le voulant sauver, j'ai la gloire des dieux ensemble à conserver. Je redoute leur foudre et celui de Dessy. Il y va de ma charge, il y va de ma vie. Ainsi, tantôt pour lui, je m'expose au trépas. Et tantôt, je le perds pour ne me perdre pas. Dessy excusera l'amitié d'un beau-père, et d'ailleurs, Polyeucte est d'un sang qu'on réveille. À punir les chrétiens, son ordre est rigoureux. Et plus l'exemple est grand, plus il est dangereux. On ne distingue point quand l'offense est publique. Et lorsqu'on dissimule un crime domestique, par quelle autorité peut-on, par quelle loi châtier en autrui ce qu'on souffre chez soi? Si vous n'osez avoir d'égard à sa personne, écrivez à Dessy afin qu'il en ordonne. Sévère me perdrait si j'en usais ainsi. La haine et son pouvoir font mon plus grand souci. Si j'avais différé de punir un tel crime, quoi qu'il soit généreux, quoi qu'il soit magnanime, il est homme et sensible, et je l'ai dédaigné. Et de tant de mépris son esprit indigné que met au désespoir cet hymen de Pauline, du courroux de Dessy obtiendrait ma ruine. Pour venger un affront où semble être permis et les occasions tentent les plus remis. Peut-être, et ce soupçon n'est pas sans apparence, il rallume en son cœur déjà quelque espérance, et croyant bientôt voir Polyeucte puni, il rappelle un amour à grand-peine banni. Juge si sa colère en ce cas implacable me ferait innocent de sauver un coupable et s'il m'épargnerait, voyant par mes bontés une seconde fois ses desseins avortés. Te dirais-je un penser indigne, bas et lâche. Je l'étouffe, il renaît, il me flatte et me fâche. L'ambition toujours me le vient présenter et tout ce que je puis, c'est de le détester. Polyeucte est ici l'appui de ma famille. Mais si, par son trépas, l'autre épousait ma fille, j'acquerrais bien par là de plus puissants appuis qui me mettraient plus haut, sans froid que je ne suis, mon cœur en prend par force une maligne joie. Mais que plutôt le ciel à tes yeux me foudroie qu'à des pensées si bas je puisse consentir que jusque-là ma gloire ose se démentir. Votre cœur est trop bon et votre âme trop haute, mais vous résolvez-vous à punir cette faute? Je vais dans la prison faire tout mon effort à vaincre cet esprit par l'effroi de la mort Et nous verrons après ce que pourra Pauline. Que ferez-vous enfin si toujours il s'obstine? Non, presque printemps. Dans un tel déplaisir, je ne puis que résoudre et ne sais que choisir. Je dois vous avertir, un serviteur fidèle, qu'en sa faveur, déjà, la ville se rebelle et ne peut voir passer par la rigueur des lois sa dernière espérance et le sang de ses rois. Je tiens sa prison même assez mal assurée. J'ai laissé tout autour une troupe éplorée. Je crains qu'on ne la force. Il faut donc l'en tirer et l'amener ici pour nous en assurer. Tirez-l'en donc vous-même et d'un espoir de grâce apaiser la fureur de cette populace. Allons. Et s'il persiste à demeurer chrétien, nous en disposerons sans qu'elle en sache rien.